Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain. Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente. Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables. Deuxième épisode. Du nucléaire militaire au nucléaire civil. Les essais. Les premiers accidents. Quand on entend parler du nucléaire, il y aurait d'un côté l'horreur des bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, mais les essais nucléaires seraient insignifiants. On voudrait nous faire oublier l'atoll de Bikini, le Nouveau-Mexique, le désert du Nevada, le désert algérien, Mururoa et bien d'autres. Plus de 20 000 essais ont été pratiqués à travers le monde, et ils n'auraient eu que des effets dérisoires sur les populations voisines et leur environnement. Quand on entend parler du nucléaire, il y a d'un côté la vilaine application militaire, et de l'autre, ce progrès immense que représenterait le nucléaire civil. Ce serait oublier que ce sont les centrales civiles qui fournissent à l'armée la majeure partie du plutonium pour son arsenal. Et puis, quand on parle d'accident, il n'y aurait eu que Tchernobyl et Fukushima, l'inconséquence du système soviétique et la catastrophe naturelle. Rien ou si peu sur Mayak en URSS, Windscale en Grande-Bretagne, Three Mile Island aux États-Unis. Le déni semble généralisé. Le début de la guerre froide fut marqué par une course à l'armement atomique. L'URSS se retrouve alors face à un adversaire, les États-Unis, possédant la bombe atomique, dans un contexte de tension qui aurait pu devenir une guerre nucléaire. Entre 1945 et 1948, dans le plus grand secret, le complexe nucléaire Mayak est construit en Sibérie. L'objectif du complexe Mayak est de fabriquer et de raffiner du plutonium, dans le but de produire des têtes nucléaires. Dès 1947, le premier réacteur est mis en marche. Au total, 5 réacteurs seront construits sur le site et l'URSS pratiquera son premier essai nucléaire en 1949. Dès les premières années d'exploitation, les installations relâchent des matières radioactives dans différents petits lacs et dans la rivière Techa. Le 29 septembre 1957 survient un très grave accident. Des cuves de déchets enterrés subissent une panne dans le système de refroidissement. Cela conduit à une puissante explosion chimique. Des radioéléments se répandent alors, l'explosion ayant projeté des produits radioactifs à plus d'un kilomètre d'altitude. L'explosion eut une puissance équivalente à 75 tonnes de TNT. On estime que cet accident équivaut, en termes de rejet radioactif, à la moitié d'un Tchernobyl. Les premières informations relevées au sujet de cet accident le furent en 1976, l'Union soviétique ayant maintenu un régime de secret défense sur cette affaire. Personnes furent exposées aux radiations. Cependant, aucun registre de cancer ne permet d'évaluer le nombre de victimes. Et s'il existe des études sur le sujet, elles sont peu fiables. 800 km² de territoire restent fermés. 23 villages furent détruits. Mais quelques familles vivent encore, au cœur de ces ruines. Le gouvernement leur offre l'équivalent de 20 000 euros pour quitter les lieux, ce qui ne permet pas à tous de partir. Les consignes sanitaires ne peuvent être respectées. Les habitants mangent ce qu'ils cultivent là-bas. Si des contrôles sanitaires sont effectués, les résultats ne sont pas transmis aux habitants. Ainsi, La population est un objet d'étude unique, observé depuis plus de 50 ans, permettant aux scientifiques d'étudier un après-accident. En janvier 1979, la Commission de réglementation nucléaire américaine remettait au Congrès des États-Unis un rapport d'une centaine de pages. Son titre, « Identification des problèmes de sécurité non résolus dans les centrales nucléaires ». Il en a résulté une longue liste de 133 tares, plus ou moins graves, qu'il était indispensable de corriger. Parmi celles-ci, 17 ont été jugées prioritaires parce qu'elles représentaient des menaces réelles pour les populations. Trois d'entre elles, au moins, ont été à l'origine de l'accident de Three Miles Island. Bref, parenthèse, laissez-moi vous expliquer quelque chose qu'hélas, les gens ne comprennent pas du tout. Chacune des causes éventuelles de non-fonctionnement a été prise en considération. Enfin quoi, on a un contrôle de qualité qui vaut celui de la NASA. Chacun des composants, chacune des pièces de la centrale est testée et testée et retestée. Chaque soudure délicate est radiographiée. Chacun des détails a été vérifié, revérifié, contre-vérifié de A à Z. Par ailleurs, le 16 mars 1979 sort aux États-Unis un film catastrophe intitulé « Le syndrome chinois ». Il met en scène un accident dans une centrale nucléaire où la fusion du cœur du réacteur est tellement puissante qu'il pourrait s'enfoncer dans la Terre jusqu'en Chine. Est-ce qu'il y a, vous avez des ennuis ou quoi ? Routine, simple décrochement de turbine, ça vous va ? La sortie du film déclenche de nombreuses protestations de la part des compagnies d'électricité et des constructeurs de réacteurs nucléaires. 15 jours plus tard, ce film deviendra un véritable blockbuster. Et l'Amérique tout entière sera persuadée qu'il relève plus du documentaire que de la science-fiction. Tout commence très tôt dans la nuit du 28 mars 1979. La panne d'une pompe à eau entraîne un problème du générateur de vapeur, et donc du refroidissement. La turbine, puis le réacteur s'arrêtent. Face à l'augmentation de la pression du circuit primaire, un technicien ouvre une vanne pour éviter une suppression dangereuse. Hélas, la fermeture automatique de la vanne ne se produit pas, et aucun signal ne l'indique. Une fuite du liquide de refroidissement provoque alors une nouvelle surchauffe et la production d'une multiplicité de signaux confus. Incapables de déterminer le niveau du liquide de refroidissement, ni d'identifier le problème, les techniciens déclenchent une série d'actions qui aggravent la situation. Mettez les vannes en ligne pour mettre la turbine en régime et qu'on me coupe cette putain de sonnerie d'alarme. Merci. Mon Dieu, je me demande comment ils s'imaginent qu'on peut donner des ordres dans un raffut pareil. Et Barney ? Oui ? Ouvre la 14 et la 15. Non, pas ça, Jack. Ouvre-les, Barney. Jack, c'est contraire aux instructions. M'en fous des instructions, on est presque au niveau vapeur. La surchauffe entraîne la rupture des barres de maintien du combustible qui entre en fusion. Malgré cette situation critique, les craintes des prévisionnistes ne se réalisent pas. L'enceinte de confinement, troisième barrière, a joué son rôle pour limiter les rejets radioactifs. Ça va, charmante. En fin de matinée, les autorités sont en état d'alerte et des équipes d'intervention et d'investigation sont dépêchées. La centrale et les environs seront partiellement évacués. Ordre à tout le personnel de se rendre en zone de sécurité. Alerte. Code 6. Ceci n'est pas un exercice. On apprit, plusieurs années après, qu'à moins d'une heure près, la fusion du cœur aurait pu être totale. Quoi ? Si jamais le cœur n'est plus recouvert pour un motif ou un autre, le combustible chauffe au-delà du taux de tolérance et puis en quelques minutes, rien ne peut l'interrompre. D'abord il fond et puis il transperce la cisse du confinement et va théoriquement jusqu'en Chine. Mais au contact de la nappe phréatique, il explose lâchant dans l'atmosphère des nuages chargés de radioactivité. Le nombre des morts dépendrait avant tout de la direction des vents. Conséquence, un état comme la Pennsylvanie par exemple deviendrait inhabitable et je ne parle pas des cancers qui ne manqueraient pas d'apparaître. L'industrie nucléaire affirme que cet accident n'a provoqué ni décès, ni blessures ou effets néfastes sur la santé. l'importance du traumatisme dans la société américaine et la forte mobilisation antinucléaire qui a engendré cet accident ont conduit le président Jimmy Carter à abandonner la construction de toute nouvelle centrale sur le territoire américain. Beaucoup de gens sont surpris quand ils apprennent que Tremis Island produit encore de l'électricité à l'aide de son autre réacteur, le numéro 1, qui fut remis en service 6 ans après l'accident. Il alimente aujourd'hui 800 000 ménages. Nuclear war. Nuclear war. They're talking about nuclear war. Nuclear war. The nuclear war. They're talking about nuclear war. It's a motherfucker. Don't you know? They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. It's a motherfucker, don't you know? It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass gotta go. It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass gotta go. They're talking about nuclear war. They're talking about. J'appartiens au clan des femmes au sein coupé. Ma mère, mes grands-mères et 6 de mes tantes ont toutes subi l'ablation d'un sein. 7 d'entre elles sont mortes. Les 2 qui sont encore en vie viennent de terminer leur séance de chimiothérapie et de rayons. Moi aussi, j'ai eu des problèmes. Craignant un cancer du sein, j'ai fait faire 2 biopsies et on m'a diagnostiqué une petite tumeur à la limite de la malignité entre les côtes. Si l'on en croit la plupart des statistiques, le cancer est génétique, héréditaire, et les risques augmentent pour les femmes qui absorbent trop de graisse, qui n'ont pas d'enfants ou qui sont enceintes après 30 ans. Mais on se garde de nous dire que le plus grand des facteurs de risque, c'est de vivre dans l'Utah. Nous sommes mormons, et notre famille a ses racines dans l'Utah depuis 1847. La parole de sagesse nous a amenés à nous nourrir sainement. Pas de café, pas de thé, pas de tabac ni d'alcool. La plupart des femmes de chez nous ont toutes eu leurs enfants avant 30 ans et une seule a dû se battre contre le cancer du sein avant 1960. Traditionnellement, on observe un taux de cancer assez bas dans la communauté des Mormons. Notre famille serait-elle une anomalie culturelle? La vérité, c'est que nous n'y avons pas réfléchi. Et ceux qui l'ont fait, ce sont généralement des hommes, qui se sont contentés de dire « c'est dans les gènes ». Un peu plus d'un an après la mort de maman, papa et moi dînions ensemble. Au dessert, je lui ai fait part d'un rêve que je faisais souvent. J'ai raconté à mon père que pendant des années, aussi loin que je me souvienne, j'ai vu un éclair dans la nuit, au milieu du désert, et que tout mon être c'était tellement imprégné de cette image que je ne pouvais plus aller vers le sud sans la revoir. Mais tu l'as vraiment vue ? Vu quoi ? La bombe, le nuage. Nous étions en voiture. Nous revenions de Riverside en Californie. Tu étais assise sur les genoux de ta mère, elle était enceinte. Je me souviens même du jour, c'était le 7 septembre 1957. Nous venions de quitter la station service et nous roulions en direction du nord après avoir dépassé Las Vegas. C'était 1 heure avant l'aube, à peu près. Et soudain, il y a eu cette explosion. Nous ne l'avons pas seulement entendue, nous l'avons sentie. J'ai cru que le camion-citerne qui nous précédait avait sauté. Nous nous sommes garés, et tout à coup, nous l'avons vu. Ce nuage, sur sa tige dorée. Le ciel tout entier semblait vibrer d'une inquiétante lueur rose. Quelques minutes après, une pluie de cendres fines tombait sur la voiture. J'ai regardé mon père, ébahi. Je pensais que tu le savais. C'était quelque chose de courant dans les années 50. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de la tromperie dans laquelle j'avais vécu. Des enfants avaient grandi dans le sud-ouest, ils avaient bu du lait contaminé provenant de vaches contaminées, voire même du sein contaminé de leur mère. Ma mère, pour rejoindre des années plus tard le clan des femmes au sein coupé. C'est une histoire bien connue dans l'ouest désertique. Le jour où on a lancé une bombe sur l'Utah. Ou plus précisément, les années pendant lesquelles on a lancé des bombes sur l'Utah. Les essais nucléaires de surface au Nevada ont eu lieu du 27 janvier 1951 au 11 juillet 1962. Dans les années 50, l'Amérique était aux couleurs du drapeau. La guerre de Corée faisait rage. Le macartisme connaissait ses plus belles heures. On ne jurait que par Ike et on était à fond dans la guerre froide. Si on était contre les essais nucléaires, c'était parce qu'on soutenait le communisme. La santé publique passait après la sécurité nationale. Thomas Murray, membre de la commission de l'énergie atomique, pouvait déclarer « Messieurs, rien ne doit venir entraver cette série d'essais. Absolument rien. » Apaiser les craintes de la population était une simple question de relations publiques. On pouvait lire, dans un livret distribué par la commission de l'énergie atomique, « La meilleure façon de vous rendre utile, c'est de ne pas vous inquiéter au sujet des retombées radioactives. » Le 30 août 1979, sous la présidence de Jimmy Carter, une action en justice fut entreprise par Irene Allen contre les États-Unis d'Amérique. En fait, Madame Allen figurait en tête d'une liste alphabétique comportant 24 cas types, représentatifs de presque 2000 plaignants qui réclamaient des compensations auprès du gouvernement américain pour des cancers provoqués par les essais nucléaires dans le Nevada. Irene Allen vivait à Hurricane, dans l'Utah. Elle était mère de 5 enfants et avait été 2 fois veuve. Son premier mari avait observé les essais depuis le toit du lycée de la ville. Il avait été emporté par une leucémie en 1956. Son second mari était mort d'un cancer du pancréas en 1978. Le 10 mai 1984, le juge Jenkins rendit son verdict. 10 des plaignants obtinrent des indemnités. C'était la première fois qu'un tribunal fédéral concluait que les essais nucléaires avaient provoqué des cancers. Pour ce qui était des 14 autres cas, le lien de cause à effet n'avait pas été clairement établi. Malgré ce résultat mitigé, on considéra qu'il s'agissait d'un jugement décisif. Il ne devait pas le rester bien longtemps. En avril 1987, la Cour d'appel des États-Unis pour le 10e circuit cassa la décision du juge Jenkins, au motif que les États-Unis bénéficiaient de l'immunité souveraine. Un principe légal vieux de plusieurs siècles. Et qui avait cours en Angleterre au temps de la monarchie absolue. Le roi ne peut mal faire. Dans la culture mormone, on respecte l'autorité. On vénère l'obéissance, mais pas l'indépendance d'esprit. On m'a appris, quand j'étais jeune fille, qu'il ne fallait surtout pas faire de vagues, ni jouer les troubles faites. Et pendant de nombreuses années, c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté, j'ai observé et j'ai forgé mes opinions en silence, au sein d'une culture qui pose rarement des questions, parce qu'elle détient toutes les réponses. Mais j'ai vu les femmes de ma famille mourir l'une après l'autre, de mort ordinaire et héroïque. Assises dans des salles d'attente, nous avons espéré des nouvelles rassurantes, pour toujours en recevoir des mauvaises. Je me suis occupée d'elles. J'ai baigné leurs corps porteurs de cicatrices et j'ai gardé leurs secrets. J'ai vu de belles femmes devenir chauves, tandis qu'on injectait dans leurs veines du cytoxan, de la cisplastine et de l'adriamycine. Je leur ai tenu le front pendant qu'elles vomissaient de la bile d'un verre noirâtre et je leur ai fait des piqûres de morphine quand la douleur devenait trop intense. Quand est venue la fin, j'ai assisté à leur paisible dernier soupir, me faisant sage-femme pour la renaissance de leur âme. Le prix de l'obéissance est maintenant trop élevé. Oh, oh, oh. Le souvenir de mon père était juste. L'explosion de septembre 1957 que nous avons traversée en voiture faisait partie de l'opération Plum Bob, une des plus importantes séries de tests nucléaires jamais mis en œuvre. Cet éclair de lumière dans la nuit, au milieu du désert, que j'avais toujours pris pour un rêve, s'est transformé en cauchemar familial. Cela a pris 14 ans, de 1957 à 1971, pour que se développe le cancer chez ma mère. Plus j'en apprends sur les retombées, plus je me noie dans les questions. À force de consentir à une obéissance aveugle au nom du patriotisme et de la religion, on finit par y laisser la vie. Le gouvernement français a effectué 210 essais nucléaires entre le désert algérien et la Polynésie française. Les premiers essais ont eu lieu en Algérie de 1960 à 1966, après l'aménagement du centre saharien d'expérimentation militaire à Reagan en 1957. Suite à un rapport du général Herelet établi la même année, le choix de Félix Gaillard, le premier ministre sous la présidence de René Coty, se porte sur le désert algérien. Des milliers de chercheurs, de spécialistes, de techniciens à la compétence éprouvée, de soldats et d'ouvriers, allaient devoir pendant des mois unir leurs efforts en vivant sur place l'étrange aventure qui consiste à faire surgir du sable une cité moderne, entièrement tournée vers la science. En un temps record, moins de 2 ans, la base vie de Reagan et la base Chantir d'Amoudia furent construites par les efforts conjugués du génie militaire et de quelques entreprises civiles. L'opération Gerboise Bleue, à savoir le premier tir d'une bombe A, a lieu le 13 février 1960 sous la présidence du général de Gaulle. Pour vous donner une idée du contexte, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'URSS disposaient déjà de la technologie de la bombe H. La bombe A était une arme de puissance relativement faible par rapport à cette dernière. Faiblesse toute relative, puisque la puissance d'une bombe A équivaut à 4 fois celle de la bombe d'Hiroshima. Avec cette bombe A, la France devient la 4e puissance nucléaire mondiale. La bombe A émet d'abord des rayonnements nucléaires susceptibles d'irradier mortellement tout organisme vivant sur une zone plus ou moins grande. Aussitôt après un flash très intense et aveuglant, se développe une onde thermique foudroyante capable d'enflammer des maisons à plusieurs kilomètres. Dans son sillage, une onde de choc d'une extrême violence provoque des vents dévastateurs pouvant atteindre 1000 km/h et qui s'inverse aussitôt par un phénomène de dépression. Le nuage entraîne à haute altitude des radionucléides. En suspension pendant plusieurs années, ils retomberont dilués et affaiblis. Les particules les plus lourdes chutent plus rapidement et peuvent contaminer la surface tout au long du déplacement du nuage. La première bombe d'une puissance de 70 kilotonnes est balancée du haut d'une tour de 106 mètres. Ce point zéro est situé à 60 km de la ville de Reagan. Le premier essai a laissé un cratère avec les restes de cette tour. Le sable du désert a été vitrifié et noirci. Cette explosion atmosphérique s'est faite contre l'avis des autres puissances atomiques qui avaient signé un moratoire contre les essais atmosphériques. 3 autres essais de 5 kilotonnes chacun, Gerboise blanche, rouge et verte, ont malgré tout été effectués dans la foulée et en l'espace d'une année. Puis la 4e opération, Gerboise verte, du 25 avril 1961, est ordonnée par le gouvernement français suite au putsch d'Alger qui a eu lieu 2 jours auparavant, dans le but d'éviter que la bombe ne tombe entre les mains des généraux putschistes. La France doit abandonner les essais sous leur forme aérienne au profit de tirs souterrains qui se produiront à Inéker, au sud de Reagan, à environ 150 km de Tamanrasset. Poursuivant la réalisation de son programme atomique, la France a procédé le 1er mai à une explosion nucléaire souterraine dans le Hoggar. À une centaine de kilomètres au nord de Tamanrasset, le centre d'expérimentation réunit en étroite collaboration les spécialistes du commissariat à l'énergie atomique et des armées. L'expérience a été conduite dans un massif granitique au fond d'une galerie creusée dans la montagne. Outre son aspect militaire, l'intérêt de ce type d'essai et de permettre d'envisager des applications pacifiques des explosions nucléaires et d'exclure les risques de retombées radioactives. Ce tir a fragilisé la roche de la galerie de tir si bien qu'un accident se produisit lors du deuxième essai. De novembre 1961 à février 1966, 13 tirs sont effectués en tout, dont 4 qui n'ont pas été contenus ou confinés. Dans les accords d'Évian signés le 18 mars 1962, il était prévu que la France abandonne ses expériences militaires au Sahara, même si une clause secrète permettait à la France d'exploiter ses sites pendant 5 années supplémentaires. Le gouvernement français se met donc à la recherche d'un autre site. Les conséquences les plus directes de ces essais se font sentir sur l'état de santé de la population, de la faune, de la flore et de l'agriculture. Les gens parlent encore à ce jour d'un état de fatigue continuelle, de maladies respiratoires, de la peau et des yeux, symptômes inexistants il y a une trentaine d'années. Suite à la première explosion, le rapport annuel du Centre d'études atomiques de 1960 définit l'existence d'une zone de contamination de 150 km autour du site. Le nucléaire civil n'a commencé à voir le jour sur le territoire français qu'à partir de 1952, avec la construction de 2 réacteurs. Comble de l'ironie, Félix Gaillard, secrétaire d'État à la présidence, annonce à cette occasion à la radio que les nations qui ne suivraient pas la voie du développement atomique seraient dans les 25 ans aussi arriérées face aux nations nucléaires que les peuples primitifs africains le sont face aux nations industrialisées d'aujourd'hui. À partir de 1966, la France effectue une série d'essais nucléaires en Polynésie, dans l'océan Pacifique. Ces essais ont lieu tant dans l'atmosphère que sous les atolls de Mururoa et Fangatofa, qui font partie de l'archipel des Tuamotu. La Polynésie semble faire partie d'îles aimables abritant le nec plus ultra de l'exotisme touristique. Elle correspond plutôt à un lieu où les sociétés et les populations qui les composent subissent depuis maintenant plusieurs siècles un ensemble de nuisances dont les explosions atomiques constituent le paroxysme. En effet, de l'importation des épidémies après la colonisation occidentale à la paupérisation entraînée par l'imposition de la civilisation capitaliste, en passant par la perte du goût de vivre, voici le tableau qui dévoile le mythe du paradis sur Terre. C'est d'abord l'organisation communautaire qui rythmait les sociétés de cette partie du monde qui a été mise à mal par le capitalisme occidental. Le déplacement de centaines de travailleurs vers des villages construits de toutes pièces pour les expérimentations atomiques participe de la destruction de ce type d'organisation sociale. En août 1956, De Gaulle prononce un discours édifiant qui préfigure le territoire d'expérimentation que vont devoir subir ces populations. Écoutons-le. La France estime et aime la Polynésie française aussi, parce que en ce moment même, elle est le siège d'une grande organisation. Toutes les dispositions sont prises, comme vous le savez, pour que cela n'ait aucun inconvénient d'aucune sorte pour les chères populations de la Polynésie. Dès 1958, l'armée met en place une cellule d'action psychologique pour persuader la population du bien fondé de ces expérimentations. La même année, l'opposant et député polynésien Pouvana Aopa est emprisonné à Paris. C'est donc bien avant l'indépendance de l'Algérie qui se précisait qu'une alternative est envisagée au site installé dans le Sahara. L'édification de l'aéroport de Tahiti-Fa à partir de 1959 fut très probablement le déclencheur du processus d'entrée dans cette modernité dangereuse. Le compte à rebours avait commencé à Tahiti le 1er janvier 1964. Il avait fallu souvent transporter le matériel dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, sur l'atoll d'Ao, la France possède une base avancée complète. Là où ne poussaient voici 2 ans que quelques cocotiers, une piste de 3400 mètres peut accueillir les plus gros appareils. L'atoll de Mururoa constitue un des sites de tir atomique. On l'a doté de 3 immenses blocos d'observation, dont le plus grand, Denise, représente une masse de béton de 60 000 tonnes. Tous ces préparatifs destinés à permettre la première des expériences atomiques du Pacifique n'ont pas apparemment troublé la vie des Tahitiens. Papette reste toujours aussi fier de ses autobus de légende. Hormis le nombre des militaires qui a augmenté, le seul signe apparent de changement semble bien être une motorisation très poussée de la Vahinée. En septembre 1962 est créé le CEP, Centre d'expérimentation du Pacifique Sud. 193 tirs seront effectués de 1966 à 1996. 46 essais aériens jusqu'en 1974, puis 147 essais souterrains. Le CEP comprenait un site de tir à Mururoa, une base arrière à Tahiti et des installations intermédiaires sur l'atoll de Ao et l'atoll de Fangatofa. Mais avant d'accueillir les rançons du progrès payées en gigatonnes de nuisances, les gestionnaires politiques de la Polynésie française vendirent au prix fort l'acceptation du CEP, sous la forme d'une enveloppe de plus de 120 millions de francs destinée au développement de l'économie locale. La France irriguera pendant une trentaine d'années le pouvoir d'achat des populations de la région à un niveau digne de la métropole. Compte tenu de cette accélération du rythme de vie, il apparaît que l'explosion de Mururoa, qui devait se produire à 1200 km de là, n'a eu aucune prise sur le moral de l'homme de la rue. L'homme de la rue pense que toutes les précautions ont été prises, et comme les Européens sont comme eux, les métropolitains sont comme eux, restent à Tahiti, ne s'enfuient pas de Tahiti, n'est-ce pas? Ils ont confiance, et pensent vraiment que toutes les précautions ont été prises pour qu'il n'y ait rien à Tahiti. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Vraiment, ils n'ont pas peur. En réalité, dès le premier tir, le 2 juillet 1966, le nuage radioactif ne suit pas la trajectoire prévue. Au lieu de se diriger vers l'archipel des Gambiers, il va vers l'île de Morareva et ses 600 habitants. De Gaulle, après avoir appuyé sur le bouton, devait rester dans l'île. Il est exfiltré au prétexte d'impératifs qui l'attendent en métropole. Aucune protection n'est envisagée pour la population et ce jour-là, il pleut. Peu de temps après, l'institutrice qui tient un journal constate la dégradation de la santé des enfants. La France a également procédé à un essai thermonucléaire au nom de Code Canopus, le 24 août 1968, au-dessus de l'atoll de Fangatofa. L'île, qui servait de réserve de copra, ressemble à une véritable décharge atomique. Il faut préciser que la principale richesse des insulaires est le copra, matière première issue des nombreux cocotiers. Ces derniers constituent la base de l'alimentation traditionnelle avec le poisson pêché dans les lagons, en même temps qu'il s'avère être une ressource inépuisable pour la boisson, l'eau de coco. Il est acquis que les cocotiers de l'archipel des Tuamotu aspirent le césium-137, hautement radioactif, à la manière d'une pompe. 40 ans plus tard, un rapport classé secret défense relève qu'il y a eu 180 retombées reconnues par le ministère de la Défense sur l'ensemble des essais pratiqués. Les populations étaient parfois regroupées dans des abris de fortune. Des hommes étaient payés pour ramasser les poissons morts à main nue. Aujourd'hui, le taux de cancer dans cette région est 15 fois supérieur au taux mondial donné par l'OMS. À l'hôpital de Papeete, des anomalies génétiques sont constatées sur des petits-enfants d'anciens ouvriers du nucléaire. Le taux de mortalité par cancer d'ouvriers plongeurs qui travaillaient sur Fangataufa est plus qu'alarmant. Des associations d'habitants considèrent qu'ils ont été de véritables cobayes. Les essais ont été stoppés, mais rien n'est terminé pour les Polynésiens. Les conséquences de ces essais sont encore présentes pour longtemps et pourraient être une véritable bombe à retardement. Le CEA a fait une simulation de l'effondrement d'une partie de l'atoll de Mururoa. La zone nord-est a subi 28 essais. Cet effondrement pourrait provoquer une vague de 20 mètres, suivie d'un tsunami qui pourrait arriver en 10 minutes sur l'atoll de Toreya, situé à une centaine de kilomètres. Le CEA prétend que cette vague ne ferait qu'effleurer l'atoll. En fait, envisager un scénario exact est impossible. Les habitants vivent dans un doute permanent quant à un avenir possible sur leur île. De plus, suite à un effondrement en 1979 causé par un essai, ainsi que de 7 essais souterrains qui n'ont pas été contenus correctement, 5 kg de plutonium coincés dans les sédiments de l'ensemble de l'atoll sont encore une menace potentielle. Ce n'est pas en années, ni même en siècles, que se mesure la nocivité du plutonium, mais en millénaires. Tahiti, à l'heure atomique, reste somme toute assez semblable à Tahiti d'hier et de toujours. Un bord de mer de rêve où l'on se baigne perpétuellement au son des guitares. Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire. On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain. Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente. Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lafabriquedeloubli.noblog.org.